Ercucum sedebit. Donc, lorsque le juge siégera, quid la tête apparaît bit, tout ce qui est caché sera mis à jour.